dis rien n'est figé. Demande à Sam à qui j'ai renié le crime piège et la prime est dans saint esprit. Je balance un écrit, poteau, donne le stylo. Micro test 1-2, assassin de mess, oui. Tout n'est pas simpliste si le monde reste un simply market. Fuck ton marketing, check Luther King. C'est pas parce que t'es bon en tuning que t'es carrossier. Parfois t'as l'air gentil, mais tu cherches un canoncier. J'ai la tête sur les épaules dans une bête d'époque où on te respecte même quand tu baisses ton pote. Baisse ton froc, assurément t'auras ta place. T'as pas de face devant la classe, pas grave tant qu'assurément. J'parle pas de rap, peu importe son ingratitude. L'être humain dérapera, regrettera son attitude. Qui voudra la paix, achètera des explosifs. Qui veut mon respect, rejettera ses potes nocifs. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles sont. Les gens ne sont pas toujours ce qu'ils ont ou ce qu'ils paraissent. Parfois j'ai l'air de traîner des séquelles sombres. Il est possible que je sois là mais que demain je disparaisse. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles sont. Les gens ne sont pas toujours ce qu'ils ont ou ce qu'ils paraissent. Parfois j'ai l'air de traîner des séquelles sombres. Il est possible que je sois là mais que demain je disparaisse.